C'était un jour pas banal. Pourtant dehors tout semblait normal. La nuit était encore là. Tout le monde dormait à ce moment-là. Nous on était déjà levés. Et on savait ce qu'allait se passer. Qu'il fallait prendre des forces pour ne pas craquer. On était calme et pourtant un peu perdu peut-être en attendant. Toi sur ton lit, moi te regardant. Tu étais blanche, un peu tendue. La main serrée sur mon avant-bras. Ça va passer, regarde-moi. À ce qu'il paraît, ça ne dure pas. Et puis ils ont appuyé sur ton ventre gonflé. Moi je ne pouvais pas t'aider. J'ai juste entendu ta voix trembler. Quand je suis rentré, ils l'ont posé sur ton ventre. Et de ce premier regard, j'ai dit c'est beau comme elle te ressemble. Je la tenais dans mes bras, je la serrais contre moi. Ça y est, on était tous les trois. J'étais heureux que tu deviennes maman, que notre famille existe à présent. Allez, repose-toi maintenant, tu verras, on sera de bons parents. Elle est devenue notre enfant, elle va grandir doucement, découvrir le monde lentement. Partager notre vie d'avant. Elle croisera nos regards. On la bercera chaque soir. Pour qu'elle s'endorme plein d'espoir. Le sourire d'un enfant sous les baisers de sa maman. Le sourire de son père qui lui rappelle comme il est fier. Le sourire de leur fille qui joue en découvrant la vie. Le sourire des parents qui donneront tout pour leur enfant.